En Corée du Sud, selon Yonhap News, les bellicistes américains et sud-coréens ont commencé le 30 novembre les exercices militaires conjoints Vigilant Ace pour améliorer la capacité d'accomplissement des opérations conjointes en temps de guerre. Y ont pris part 5 unités relevant du commandement de l'armée américaine du Pacifique, y compris la 51e aviation de combat et l'aviation de la marine, ainsi que 10 unités comme la 20e aviation de combat et la 38e escadrille de combat de l'armée aérienne sud-coréenne. La gravité de la situation est que ces exercices militaires ont pour but principal notre direction suprême et nos installations essentielles stratégiques. Par ailleurs, le commandement sud-coréen pour la défense des îles Nord-Ouest s'est engagé dans les exercices de tir naval aux alentours des 5 îles de la mer de l'Ouest de Corée, le Pyeongchang. L'infanterie de la marine sud-coréenne a défini novembre comme mois de la victoire de guerre de l'infanterie de la marine à l'occasion de la journée du combat aux canonnades de l'île de Yeompyeong et décidé de mobiliser toutes ses troupes jusqu'en décembre à l'examen des préparatifs du combat et aux exercices unifiés.